C'était il y a quelques semaines, au tout début du mois de mars, Ivan Safronov, journaliste du quotidien russe indépendant Commerçante, regagnait son appartement moscovite, sac de provisions à la main. Quelques minutes plus tard, une fenêtre s'est ouverte au quatrième étage de l'immeuble et le corps du journaliste s'est presque aussitôt écrasé sur le trottoir. Très vite, les policiers russes ont évoqué la thèse du suicide, thèse immédiatement contestée par tous les proches de Safronov. Le journaliste, âgé d'une cinquantaine d'années, n'avait aucun souci d'ordre privé. Puis, fait-on ses courses avant de se suicider? Non, pour la plupart des gens qui connaissaient Safronov, il était quasi certain que le journaliste avait été défenestré, assassiné donc. Mais c'est pourtant sans illusion que le Commerçant a écrit le lendemain « Il est peu probable que l'enquête officielle apporte un résultat ». Car il existe malheureusement plusieurs précédents, dont celui de la célèbre journaliste Anna Politkovskaya, des assassinats qui n'ont jamais été élucidés et qui ont même été si fréquents qu'une organisation internationale spécialisée a constaté que la Russie est tout juste derrière l'Irak, le pays où l'on compte le plus grand nombre de journalistes morts en exerçant leur métier. Des femmes, des hommes qui ont été manifestement trop curieux et qui ont cherché, par exemple, à percer quelques-uns des mystères du Kremlin. Mais le journalisme n'est pas la seule catégorie professionnelle russe à avoir subi les coups des tueurs professionnels, des banquiers, des hommes d'affaires, des politiciens sont aussi tombés par dizaines. Assassinats politiques ou mafieux, ou les deux à la fois. Monsieur X essaie d'y voir clair et remonte à ce qui est pour lui la genèse de cette monstrueuse série, l'étrange disparition au moment où l'URSS s'effondrait, de ce que l'on a appelé le trésor du Parti communiste. Mais il revient d'abord brièvement sur le cas du journaliste Ivan Safronov. Safronov n'était pas tout à fait un journaliste ordinaire. C'est-à-dire ? Ce quinquagénaire est un ancien officier supérieur. Et comme il avait gardé de nombreux contacts dans l'armée, il s'était spécialisé dans les questions militaires. Ah oui, un domaine sensible, hein ? Le complexe militaro-industriel est en effet très chatouilleux, en Russie comme ailleurs. Et Safronov, semble-t-il, enquêtait sur les dessous d'importants contrats militaires passés avec la Syrie et l'Iran. Vous pouvez préciser un peu, non ? Des ventes d'avions ultramodernes et de batteries antimissiles. Naturellement, étant donné le contexte international, ces contrats ont fait l'objet de négociations très discrètes et l'affaire a été directement traitée au Kremlin. Alors, le journaliste a quand même réussi à obtenir des informations sur ces contrats. Selon ses amis, oui. Des informations dérangeantes et qui risquaient même de provoquer un scandale international si elles étaient rendues publiques. Il est donc à peu près certain que le FSB, le service héritier du KGB, s'en est mêlé. Oui, parce que l'affaire relevait du secret d'État. Alors à partir de là, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Oui, donc vous accusez le FSB d'avoir liquidé Safronov. Après, écoutez, moi je n'accuse personne. Mais toujours d'après ses proches, le journaliste avait été mis en garde. Vous voulez dire qu'il avait reçu des menaces ? Je le pense, oui. Et comme ça n'a pas suffi... Écoutez, je vous laisse la responsabilité de vos extrapolations. J'ajouterai simplement que lorsqu'on veut se débarrasser de quelqu'un, il n'est pas toujours obligatoire d'user de violence, même si on a constaté en Russie, dans les années 1990, une curieuse épidémie de défenestration. Enfin, on y reviendra là-dessus. Non, il existe par exemple des drogues très subtiles qui agissent directement sur la personnalité du sujet. Oui, peuvent susciter, par exemple, des bouffées suicidaires. Pourquoi pas, ouais. Le FSB a non seulement hérité des compétences du KGB en matière de contre-espionnage, mais ce service a aussi hérité de quelques-uns de ses secrets les mieux gardés. Son expérience en matière de poison en particulier. Mais en ce qui concerne le cas de ce pauvre Safronov, je ne peux malheureusement pas vous en dire plus. Alors, venons-en à ce qui vous occupe aujourd'hui. Volontiers. Mais auparavant, je dois encore vous entretenir du KGB. Vous savez bien sûr que sous ses alias précédents, Tcheka, NKVD, GPU, il a toujours été au centre de la vie soviétique dans la mesure où il concourait à instaurer le régime de terreur propre à éliminer toutes les velléités d'opposition. Et c'est d'ailleurs le KGB qui gérait en direct le goulag, c'est-à-dire le système concentrationnaire. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce service de police et de renseignement était soumis à l'autorité du parti et de son secrétaire général. Ouais, mais... Ça change avec Andropov. Oui, Yuri Andropov, un brillant technocrate qui accède à la présidence du KGB dès 1967. C'est-à-dire très peu de temps là, après le limogeage de Khrouchtchev. Hein. Il occupera cette fonction jusqu'au moment où, au début des années 80, il sera appelé à succéder à Brejnev. Ouais. Une longévité à la tête du KGB exceptionnelle. Absolument, et qui lui a permis de marquer durablement tous ceux qui ont servi sous ses ordres. Et non seulement cela, mais ceux qui leur ont succédé. Pour tous, Yuri Andropov est incontestablement un grand homme et une sorte de modèle. Alors, pour Poutine aussi? Ah ben ça, j'en suis persuadé, aujourd'hui comme hier. Ouais. Et indépendamment du changement de régime? C'est la vérité. D'ailleurs, Poutine n'essaie-t-il pas d'édifier progressivement un État autoritaire qui, en matière de liberté de la presse ou de droits de l'homme, rejoint peu à peu ce qui existait autrefois? Bon, enfin, revenons à Andropov. Mm-hmm. C'est lui qui a permis au KGB de retrouver son lustre et l'esprit de combat, l'esprit tchéquiste qui l'habitait à l'origine. Andropov qui a aussi fait du centre, comme on disait, l'organe essentiel du pouvoir. Mais ça va encore plus loin. À expliquer. Le premier, parmi les dirigeants soviétiques, Andropov a compris que faute d'un changement radical et d'une profonde réforme économique, l'URSS s'était condamnée et serait largement dépassée par les États-Unis. Mais lorsqu'il est arrivé au pouvoir, après les longues années de stagnation brejnevienne, il était déjà trop tard. Et puis il est mort assez rapidement. En 1984. Oui, dans des circonstances un peu mystérieuses. Oui, après un règne qui a duré moins de 2 ans. Cependant, c'est réellement à lui qu'on doit les mots d'ordre que Gorbatchev va populariser. C'est-à-dire la perestroïka, la glasnost. Oui, oui, mais là où je veux en venir, c'est que Yuri Andropov, conscient du déclin soviétique et de la fin prochaine de l'Empire, a voulu qu'une institution au moins survive. Le KGB. Oui, le KGB et tous les hommes qui l'avaient formé. C'était à eux d'assurer la continuité et de garder le pouvoir entre leurs mains. Et puis, si vous regardez bien ce qui se passe aujourd'hui dans l'ex-URSS, vous observerez que la plupart des postes clés, tant en politique qu'en économie, sont détenus par des hommes qui ont été liés à l'ex-KGB, devenu aujourd'hui le FSB. Et je vous parie que ce sera aussi le cas du successeur de Poutine. Attendez, à moins que celui-ci ne modifie la Constitution et acquiert la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle une troisième fois. Hein. Je ne crois pas, non. Mais il ne fait aucun doute qu'il se choisira un héritier formé dans le même moule. Alors, pourquoi ce long préambule? Parce que je voulais vous proposer une sorte de grille de lecture à travers laquelle on comprend mieux tout ce qui s'est passé en Russie depuis une petite vingtaine d'années. En tout cas, ce que vous voulez dire, c'est que depuis l'époque où Andropov a mis la main sur le KGB... En 1967, oui. Oui, bien depuis ce temps, c'est le KGB, ou son héritier, qui fait la pluie et le beau temps. Bon, vous simplifiez à l'excès, mais ça n'a pas été aussi facile que cela. Sous Brejnev en particulier, il existait une sorte de pesanteur bureaucratique contre laquelle se sont brisés bien des projets du Yuri Andropov. Et je vous l'ai dit, lorsque ce dernier a enfin pu accaparer tous les pouvoirs, ben, il était déjà trop tard. On peut donc imaginer que si Brejnev était mort plus tôt, le destin de l'URSS aurait été profondément changé. C'est ce que je crois, oui. Andropov, alors, pensez donc, c'est ce que vous avez dit, hein, qu'il en était fini de la perpétuation du régime soviétique. C'était inéluctable. Et c'est pourquoi Andropov a engagé très tôt l'opération survie, à la fois pour sauver les meubles qui restaient et préparer l'avenir. Il y a eu vraiment une opération survie? Non, c'est moi qui ai inventé ce nom de code. Mais dans les faits, ça s'est réellement passé comme ça. Et concrètement, alors? Dès le début des années 80, le KGB, en liaison avec le DI, le puissant département international du comité central, a pensé à organiser un véritable réseau de dépôts financiers hors de l'URSS. C'était d'autant plus facile à réaliser que les soviétiques contrôlaient déjà des établissements bancaires ou commerciaux à l'extérieur de leurs frontières. Ça leur servait en particulier à aider financièrement les partis frères, comme on les appelait à l'époque. Oui, c'est-à-dire les autres partis communistes. Hein. Et même des organisations révolutionnaires plus ou moins clandestines. Chez nous, par exemple, il était notoirement connu que l'argent soviétique transitait par la BCEN, la Banque Commerciale pour l'Europe du Nord. Oui, chez nous, à destination du PCF. Naturellement. C'était un secret de polichinelle. Toutefois, les stratèges du KGB ont pensé que ce système déjà existant n'était pas suffisant. Et puis surtout, il était trop connu. Il a donc été décidé de mettre en place un échelon supplémentaire en créant une myriade de sociétés écrans et en investissant à l'étranger. Il ne s'agissait donc plus de donner à fonds perdus aux partis frères. Non, ces placements devaient rapporter et préparer l'avenir. Boris Berezovsky est l'un des oligarques russes les plus connus. pilier de la présidence Eltsine, après avoir bâti une fortune colossale, il a rompu avec le régime et s'est réfugié en Grande-Bretagne. Son biographe, le journaliste américain d'origine russe, Paul Klemnikov, s'est attaché à décrire les conditions dans lesquelles ces oligarques sont devenus richissimes. Et comme M. X, il remonte aux années 80 et à la politique secrète mise en œuvre par Moscou et le DI, le département international du comité central. Dans les années 1980, le KGB fonda de nombreuses fausses banques et entreprises commerciales dans des pays aux législations favorables, notamment la Grèce, Chypre, l'Italie et le Portugal. Des milliards de dollars y furent transférés par la Banque soviétique du commerce extérieur. D'ordinaire, le mécanisme était le suivant. L'entreprise patronnée par le KGB achetait à l'URSS une cargaison de pétrole, de métal ou de bois de construction qui lui était facturée une fraction de sa valeur réelle sur le marché international. Elle vendait ensuite ses biens aux prix mondiaux et les bénéfices servaient à financer les opérations extérieures soviétiques ou les partis frères. Vers la fin de la décennie, alors que la déliquescence du pouvoir soviétique devenait chaque jour plus évidente, le DI utilisa les mêmes procédés pour le compte du Parti communiste soviétique lui-même. À l'exception de quelques départements du comité central, le KGB fut la seule institution soviétique à mettre en place une stratégie destinée à répondre à la détérioration de la situation. Il avait pour tâche de préserver la puissance de la caste dirigeante, la nomenklatura communiste, même dans le cas où le pouvoir communiste s'effondrerait. En collaboration avec le DI, il entreprit donc de transférer des fonds du parti, se chiffrant en milliards de dollars, vers des entreprises écrans dans le secteur privé soviétique et à l'étranger. Ce fut une opération extraordinaire. Klemnikov, l'auteur de cet ouvrage, a été assassiné de 8 balles à Moscou le 9 juillet 2004. Alors, lui aussi, naturellement, des Tchétchènes ont été accusés, mais son éditeur vient de déclarer qu'il s'agissait d'un camouflage impliquant des officiels de l'État. Son livre, en tout cas, Parrain du Kremlin, Boris Berezovsky et le pillage de la Russie, a été publié en 2000 en France chez Robert Laffont. En fait, vous l'avez compris, il s'agissait d'organiser à grande échelle un transfert de capitaux. Oui, ce qu'on appelle aussi une fuite de capitaux, une fuite frauduleuse. D'accord. Mais les gens du KGB pouvaient considérer qu'ils travaillaient pour le bien de leur pays. D'abord le leur, non ? Sans doute. Et il fallait d'abord faire face à l'inéluctable chaos qui suivrait l'effondrement du régime. Oui, parce que ça aussi, ils l'avaient prévu. J'en suis certain. Ils savaient que l'Empire craquerait de partout et que son cœur, la Russie, traverserait une période confuse. Et dangereuse. Bien évidemment. Il fallait donc jouer serré, surtout veiller à ce que tout le monde garde la tête froide. Que voulez-vous dire, là ? Des sommes énormes étaient en jeu. Il fallait donc, dans la mesure du possible, contrôler la situation. Et certains l'ont payé très cher. Oh, n'allons pas trop vite. Oui. Bien entendu. Attendez avant d'aller plus loin quand même. Ce qu'on a appelé, à tort ou à raison, le trésor du PC, du Parti communiste, c'était tout cet argent qui a été placé à l'étranger ? En partie, oui. Mais pas seulement. Parce qu'au fur et à mesure de la détérioration de la situation, l'évasion des capitaux va s'accélérer. Des spécialistes ont même affirmé que le KGB a effectué, avant la fin de l'Empire, des dépôts bancaires sur 7000 comptes à l'étranger. Eh ben. Dans des paradis fiscaux, en Suisse et aussi dans les îles anglo-normandes. C'est énorme, hein ? Et il y en avait pour des milliards de dollars. Ça montre bien que tout cela a été minutieusement préparé, même si l'évolution politique a parfois contrarié les desseins des guébistes, comme on les appelait dans l'ex-URSS. Ouais, les membres du KGB. Mmh. Vous voulez parler là du putsch de 1991 ? Et surtout de l'éruption sur la scène politique de Boris Eltsine. Ouais, ça n'était pas prévu. Non. Alors voyons ça dans le détail. En même temps qu'il ferme pudiquement les yeux sur les évasions de capitaux orchestrées par le KGB, le pouvoir soviétique prépare le passage en douceur de l'Union à l'économie de marché. Et ça commence assez timidement par la création de coopératives, des sociétés commerciales autonomes. Mais ce qui est intéressant, c'est que Gorbatchev confie cette tâche au Komsomol. Oui, c'est-à-dire le mouvement des jeunes communistes. C'est ça. Le Kremlin veut en faire les cadres économiques de demain. Et notez-le bien, La plupart des oligarques seront justement issus du Komsomol. C'est une vraie pépinière de bébés oligarques, alors. En effet, oui. Bon, dans l'esprit de Gorbatchev, mais aussi des agents du KGB, cela devait servir de laboratoire. Et puis, disons tout de suite que certains de ces pionniers ont rapidement fourni des preuves de leur talent et de leur ambition. Un seul exemple, celui d'Alexander Konyanikin, un des premiers millionnaires de l'URSS de Gorbatchev. Ce très jeune mathématicien, profitant des nouvelles dispositions réglementaires, crée une coopérative grâce au Komsomol et à l'argent du KGB. Cette première société donne elle-même naissance à une banque, dont la principale activité sera la spéculation sur les devises. Toujours avec la complicité du KGB ? Bien sûr. Konyanikin va même engager dans sa société un des pontes de la centrale. Et c'est grâce à cette haute protection que la banque du jeune homme, il a 24 ans, en 1991, obtient une faveur incroyable. Le monopole des transactions en devises de la Fédération de Russie. Autre exemple dont nous aurons à reparler, celui de Mikhail Khodorkovsky, un ami de Konyanikin. Ouais. Khodorkovsky, cet oligarque que Poutine a fait emprisonner. Hein. Oui, ouais. Lui fera de sa simple coopérative une des plus puissantes banques russes. Puis il se créera un empire pétrolier considérable, la compagnie Yukos. Mais ça se terminera mal, hein. En effet. Mais il y en a bien d'autres dont on pourrait parler. Et tous ont édifié en simplement quelques années des fortunes inimaginables. Cependant, on reviendra sur le cas de Konyanikin, parce qu'il connaîtra un destin assez extraordinaire. Dans toutes ces histoires, j'imagine que la mafia n'est pas très loin. C'est évident. Cette mafia rouge qui existait déjà sous le régime soviétique. Elle avait d'ailleurs une fâcheuse tendance à épouser étroitement les structures du parti. Ouais, parce que les dirigeants étaient des mafieux, alors. Et pas seulement au niveau local. Ça remontait jusqu'au Kremlin. Souvenez-vous, par exemple, du scandale du coton ouzbek. Alors, il est évident que l'ouverture progressive du régime a permis aussi à la mafia de prospérer. Et bref, la mafia s'est également libéralisée ou même privatisée. Et en même temps, elle a profité de la mise sur le marché d'un certain nombre de spécialistes issus des organes de sécurité de l'État, hommes de main ou officiers qui deviendront de futurs chefs de bande. Et autant de types qui ont préféré se mettre à leur compte, si je puis dire, ou travailler pour ces nouveaux millionnaires. Bah, ils étaient ainsi sûrs de gagner beaucoup plus qu'en continuant à être fonctionnaires. En tout cas, il ne fait nul doute que ces mafieux, grands ou petits truands, ont mis à profit les nouvelles possibilités des systèmes bancaires pour blanchir en toute impunité l'argent sale de leurs multiples trafics. Mais revenons un petit peu en arrière. La création de ces coopératives, souvent financées en grande partie par le KGB, intervient donc à la fin des années 80. Mais tout va très vite. En mars 1990, le pouvoir va renoncer à l'un des piliers du régime soviétique, le rôle dominant du Parti communiste. Mais il est contraint, hein. Les élections libres ont en effet vu une spectaculaire progression des réformateurs et du leader de ceux-ci, Boris Eltsine. Et Mikhail Gorbatchev a beau avoir été élu confortablement à la présidence de l'URSS, il sait que désormais il ne pourra plus s'arrêter sur le chemin des réformes et qu'il subira en permanence des coups de boutoir de son principal rival. Ouais, Yeltsin. Yeltsin, nouvel homme fort de la Fédération de Russie et qui est bien décidé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour affaiblir Gorbatchev. Et même en finir avec l'URSS. Alors, bon, je reviens à ce que je disais, le parti ayant perdu le considérable privilège qui était le sien, ses dirigeants doivent plus que jamais prendre leurs précautions. Afin de mettre à l'abri les biens du parti. Et essentiellement, de ne pas être obligés de partager le gâteau. Alors, justement, ce gâteau, plutôt ce trésor, hein, peut-on l'estimer ? C'est très difficile. Et pour tout dire, personne n'est d'accord. Bon, c'est assez normal. Pourquoi ? Parce que tout cela était bien sûr secret. En outre, les ennemis du parti ont eu naturellement tendance à exagérer le montant total. D'autant qu'il s'agissait aussi d'accuser les principaux dirigeants soviétiques d'avoir détourné ce trésor. Oui, alors, en sens inverse, ces dirigeants soviétiques ont essayé de minorer l'estimation du trésor. Ben forcément. Alors, bon, tentons quand même une estimation à la louche. Il y avait d'abord les biens immobiliers, immeubles, imprimeries, maisons d'édition, mais aussi des appartements, des maisons de vacances, des sanatoriums, des magasins et aussi un gigantesque parc automobile. Alors, combien ? Voyons ça en dollars, puisque le rouble va rapidement se déprécier. Bon, alors, plus ou moins officiellement, on a évoqué la somme de 3 milliards de dollars. Un chiffre malheureusement fantaisiste, puisque le prix des bâtiments a été évalué en tenant compte du prix de leur construction et non de leur véritable valeur commerciale. Et puis il y avait aussi les liquidités, les devises, l'or et les diamants dont l'URSS était l'un des plus gros producteurs mondiaux. Et puis, alors vous l'avez dit, tous ces capitaux placés à l'étranger. Hein. Et ça représentait des milliards de dollars. Alors au total, combien? Bon, un procureur qui n'était peut-être pas tout à fait impartial a évoqué le chiffre astronomique de 170 milliards de dollars qui se seraient volatilisés, dont au moins 100 directement à l'étranger. Mais de telles sommes ne peuvent pas disparaître sans laisser de traces. Je suis d'accord avec vous. Il existait en particulier un homme qui savait. Un important apparatchik qui était au centre de toute cette affaire. Pour une bonne raison, c'est qu'il avait reçu des consignes de Gorbatchev en personne. Et il paraît même que ce type était une véritable mémoire vivante puisqu'il connaissait par cœur des centaines de codes correspondant aux dépôts effectués à l'étranger. Ah, qui était ce type-là? Un certain Nikolai Kruchina, le directeur financier du comité central. Et lui aurait pu donner toutes les indications nécessaires au nouveau maître de la Russie. Mais on ne lui en a laissé ni le temps ni l'occasion. Il est mort avant. Une curieuse défenestration. Roumiana Ugarchinska est une journaliste et chercheuse installée en France depuis plus de 20 ans. Elle a publié un important ouvrage, KGB et compagnie à l'assaut de l'Europe. Et je me suis souvent référé à cette somme pour affirmer ou confirmer les propos de M. X. Et voici ce que je lis, page 97, à propos du plan mis en place par la centrale soviétique. L'expert Richard Palmer, un ancien de la CIA, a identifié 6 phases dans cette ultime et magistrale opération du KGB commanditée par le Parti communiste de l'URSS. La légalisation de l'argent, de l'économie grise, par la création de coopératives et de structures autogérées, 87-89. La préparation du trésor de guerre réalisée par le KGB grâce à l'exportation de devises, or, diamants, etc., en utilisant le réseau existant de financement des partis frères, 86-89. La création de sociétés et joint ventures en URSS et à l'étranger, 89-91. La mise en place de sociétés spéculatives et intermédiaires pour acheter à bas prix pétrole et matières premières et les revendre à leur juste valeur sur le marché international en engrangeant des profits frisant les 100%, 91-94. La création massive de banques, Income Bank, Rosinform Bank, Areb, Bank Medatep, etc. Enfin, la création de sociétés écrans par des anciens émigrés en Europe ou dans les paradis fiscaux entre 91 et 94, Sibaco, Fimaco, etc. Ces dernières devaient, d'une part, permettre l'évasion fiscale sur les transactions de matières premières et d'autre part, contracter des crédits auprès de leurs propres partenaires pour participer aux privatisations en tant qu'investisseur au-dessus de tout soupçon. Alors, qu'est-il arrivé à ce Kruchina? Auparavant, peut-être un mot sur cet homme. En 1991, Nikolai Kruchina est âgé d'une soixantaine d'années. Et c'est l'un des plus proches collaborateurs de Mikhail Gorbatchev. Mais il a été nommé à ce poste clé de directeur financier du comité central par Yuri Andropov. Ah oui, c'est par hasard. L'ancien patron du KGB voulait promouvoir un fidèle parmi les fidèles, un homme sûr. Mais pourquoi est-ce un poste clé, là? Parce qu'au sein de la bureaucratie soviétique, c'est traditionnellement l'homme qui occupe cette haute fonction qui est chargé de veiller sur tous les biens du parti. Ah, et m'avez-vous dit, ils sont considérables. Et pratiquement inestimables. Ces propriétés de toute nature ne représentent que la partie immergée de l'iceberg. Mais enfin, il y a le reste. Ouais, les devises, l'or, les diamants. Et tous les fonds qui ont été placés de façon illicite à l'étranger. Ouais. Et c'est aussi Kruchina qui gère ses comptes secrets? C'est ce que je vous ai dit. Ce qui, entre parenthèses, fait de Kruchina, un fou modeste, l'un des hommes les plus puissants de l'ex-URSS. D'autant, et c'est un point qu'il ne faut surtout pas négliger, que ce trésorier occulte a aussi connaissance d'autres secrets. Quoi? Il me paraît évident que certains dirigeants soviétiques ont profité de cette énorme évasion de capitaux pour s'occuper de leurs propres affaires. Ah oui, placer aussi de l'argent dans les paradis fiscaux? Sur des comptes dont ils peuvent disposer à leur guise. Mais c'est de l'argent volé au parti ou au pays? Oui, ou à la collectivité. Mais en URSS, c'était la même chose. Ça faisait déjà un bout de temps que certains hiérarques ne faisaient plus guère de différence entre leur cassette et le trésor public. Alors, vérité ou mensonge? On a par exemple prétendu que Gorbatchev lui-même ne se serait pas oublié, mais comme la rumeur a été propagée par des partisans de Boris Eltsine, il convient bien entendu d'être prudent. Ouais, la calomnie. Évidemment. Alors désolé, mais je ne peux pas en dire plus. Ce que je sais par contre, c'est que Kouchina a minutieusement préparé son affaire. Alors bon, pardonnez-moi de revenir un petit peu en arrière, mais enfin il faut être précis. À la fin de l'année 1990, à l'initiative de Kouchina, et donc avec l'accord de Gorbatchev, Valentin Pavlov se rend incognito en Suisse. Il voyage même avec un faux passeport. Et qui est ce Pavlov, là ? C'est le ministre des Finances. Et un peu plus tard, il sera nommé Premier ministre. Un ministre qui se déplace avec un faux passeport, c'est pas banal, hein ? Je suis d'accord. Ouais. Et Pavlov se gardera bien de signaler sa présence à l'ambassade soviétique. Le secret doit donc être total. Alors, que vient-il faire en Suisse ? Bien, dans la plus grande discrétion, il prend contact avec les dirigeants de plusieurs grandes banques. Des banques suisses ? Pas seulement. Des établissements financiers français, britanniques ou allemands sont aussi sollicités. Et l'objectif ? Il s'agit de vendre clandestinement des roubles. Contre des dollars, j'imagine ? Bien sûr. Ouais. De précieux dollars qui demeureront à l'abri en Suisse. Pas question que ces capitaux retournent en URSS. Et quelques semaines plus tard, le manège se répète. Cette fois, c'est le successeur de Pavlov qui s'y colle, Vladimir Orlov. Oui, parce que Pavlov, m'avez-vous dit, vient d'être nommé Premier ministre. Et qu'il lui est donc difficile de se déplacer en personne, surtout clandestinement. Alors, Orlov, d'abord, il ne voyage pas seul. Il est accompagné d'un adjoint du patron du KGB. Ah, ben, une nouvelle preuve que la centrale soviétique surveille cela de très près. Hein. Orlov, comme Pavlov, est chargé de vendre des roubles. Mais il va plus loin. Il est aussi chargé de négocier des stocks d'or et de diamants. Des transactions qui doivent s'effectuer dans la plus grande discrétion, sous peine de faire chuter les cours de ces matières précieuses. Ouais. Sans faire de jeu de mots, là, Moscou vend alors les bijoux de famille. C'est tout à fait ça, oui. Ça signifie que Gorbatchev ne se fait guère d'illusions, à la fois sur ses chances de rester le numéro un, mais aussi sur l'avenir de l'URSS. Ouais, il pensait déjà que l'URSS éclaterait. C'est très probable. Et son plan était assez machiavélique. Surtout la vente de l'or qui dormait dans les caves de la Banque d'État et dont les stocks vont diminuer de façon spectaculaire. Mais il faut m'expliquer, là. C'est très simple. Si l'URSS éclate, ça veut dire que les républiques qui la composent vont prendre leur liberté. Or, l'un des garants de l'indépendance d'un pays, c'est aussi la solidité de sa monnaie et la nécessité de la garantir en devenant membre du FMI, le Fonds monétaire international. Mais pour adhérer au FMI et profiter en particulier des possibilités d'emprunt offertes à ses membres, il faut déposer dans cette institution une quote-part constituée notamment d'or. Ah, je comprends, là. Alors, en procédant à ces ventes massives de l'or de la Banque d'État soviétique, le pouvoir communiste veut donc handicaper la naissance et aussi l'existence de ces futures républiques. C'est évident. Et c'est dans ce sens que c'est très machiavélique. Attendez, pardon de bousculer la chronologie de votre récit, là. Mais quand Gorbatchev et les communistes vont être obligés de quitter le pouvoir... Et que les nouveaux arrivants vont découvrir que les caisses sont vides... Oui, c'est ce que je voulais dire, en effet. Et ces nouveaux arrivants l'avons bien essayé de chercher à savoir où ce trésor est parti. Naturellement. Et ça commence avant même que Gorbatchev ne lâche définitivement les rênes à l'automne 1991. Alors comment ? Boris Eltsine constitue secrètement une petite cellule de collaborateurs très proches chargée d'élucider le mystère. Ces enquêteurs ont bénéficié de la collaboration de magistrats acquis aux idées réformatrices. Alors résultat ? Cette cellule a réussi à mettre en évidence le mécanisme d'évasion des capitaux et l'existence d'une véritable économie invisible créée par les communistes. Une sorte de toile d'araignée composée de centaines de sociétés établies dans le monde entier. Ils ont aussi retrouvé la trace de mystérieux voyages entrepris à l'étranger par des apparatchiks. Seulement, ça ne suffisait pas. C'est-à-dire ? Eh bien, ces découvertes n'entraînaient pas pour autant la restitution des capitaux détournés. Et ni les banquiers, ni les gouvernements où se trouvaient les établissements financiers où avait été placé l'argent n'ont répondu favorablement aux demandes de Boris Eltsine. Mais nous le verrons la semaine prochaine, ça. Le nouvel homme fort de la Russie ne se résignera pas pour autant. Et il fera appel à de véritables détectives. En attendant, là, vous ne m'avez toujours pas dit ce qui est arrivé à Nikolaï Kouchina, là, l'homme qui a été chargé de mettre à l'abri le trésor du PC. Alors j'y viens. Ah. Petite parenthèse. Kouchina veut dire en russe « affliction ». Et quand on pense à son destin, ce n'est peut-être pas anodin. Enfin, peu importe. En cette journée de la fin d'été 1991, Kouchina va que comme d'habitude à ses activités. En raison de l'accession de Boris Eltsine à la présidence de la Fédération de Russie, Kropchina a démissionné de son poste au comité central. Mais il continue d'expédier les affaires courantes. Il faut le rappeler, Gorbatchev, lui, est toujours président de l'URSS. Hein. Oui. Ouais. Néanmoins, Kropchina a déjà reçu des visiteurs très pressants. Ah oui, je vois, des gens qui veulent percer le secret de ses comptes. Bien sûr. Et si Kropchina veut bien donner quelques détails intéressants sur le patrimoine du parti, il refuse, évidemment, de donner des informations sur les capitaux qu'il a lui-même contribué à placer hors de l'URSS. Oui, c'est les numéros de compte. En particulier. Mais le discret Nikolaï ne bronche pas. Et ce jour-là, il regagne son appartement un peu plus tôt que d'habitude. Un appartement, enfin j'imagine, dans un immeuble réservé aux dignitaires du régime. Et voisin de celui de Chevardnadze, le ministre des Affaires étrangères de Gorbi. Que se passe-t-il alors ? Mystère. Mais quelques minutes après son retour, on retrouve le corps de Kropchina 5 étages plus bas. Ah, il s'est défenestré. Ou il a été défenestré. Ouais. Mais il va quand même y avoir une enquête. Rapide, très rapide. Et d'ailleurs, tout est allé très vite dans cette affaire. Un quart d'heure plus tard, des miliciens transportent son corps à la morgue. Et aussitôt, son appartement est placé sous scellé. Une célérité étonnante dans un pays comme l'URSS. Quant à l'enquête, elle conclura au suicide, au vu d'un papier que le KGB aurait trouvé sur son bureau. Mais un papier dont on ne communiquera jamais le contenu. Alors vous, qu'en pensez-vous ? Moi ? Je m'interrogerai surtout quand j'apprendrai, peu après la mort de 2 autres apparatchiks, eux aussi défenestrés. Des hommes qui connaissaient très bien Kropchina et avaient même travaillé avec lui. Mais si vous le voulez bien, on en reparlera bientôt. Pour terminer, très provisoirement, je me suis reporté à un article d'Éric Laurent paru dans le Figaro en juin 1992. Le journaliste évoque l'enquête diligentée à l'initiative de Boris Eltsine. Au milieu du mois de novembre 1991, 3 de ses collaborateurs se rendirent secrètement en Suisse. Ils séjournèrent durant 5 jours à Genève et à Zurich. Les 3 hommes eurent de longues réunions avec plusieurs banquiers. Ils avaient entre les mains un dossier qui regroupait toutes les informations recueillies au cours des enquêtes sur les disparitions de l'argent du parti. De nombreux indices révélaient que des sommes importantes avaient été placées dans plusieurs banques helvétiques. Les responsables de ces établissements écoutèrent les arguments des émissaires d'Eltsine, mais expliquèrent qu'il n'était pas question de restituer aux autorités russes des sommes éventuellement placées chez eux tant que ces autorités ne disposeraient pas de davantage d'éléments. Les banquiers exigeaient d'abord que les responsables russes connussent les numéros des comptes utilisés et qu'ils obtinssent des détenteurs de ces comptes l'autorisation de retirer l'argent placé dessus. Les émissaires russes se montrèrent indignés, affirmant qu'il s'agissait d'argent volé, soustrait au peuple. Mais, bien sûr, ils n'ont pas obtenu satisfaction. Quant au numéro de compte, pour en connaître le secret, il aurait fallu ressusciter Kropchina ou identifier les rares personnes qui avaient partagé ces secrets.